Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux balancer ton main? Est-ce que tu peux balancer ton main? Est-ce que tu peux balancer ton main? Yesu na ye pa ina yo na inga moko te Motu na me mi ye pa ina ye Mote me lingi ye Na ye bi asana ba faiblesse Qui le fait mal au cœur Qui le fait mal à la tête Païnaïe, et quelque chose de bien qui mature tellement. La Seigneur Sala et Golou, et si Kabanda qui cocoya, et comment point fornaïe, Mote Melingie, yo yo, Bolingo Nanga, yo yo. Église, est-ce que vous Sambwe futi penga yo Ye yo Kobombe sili ye yo Atabambonge ye yo Elamba yango yango yo Ye yo Ye yo Bolingo nanga ye yo Nalota kyango nandoto Lo sambwe Un Dieu qui avait planifié que ce jour allait exister pour notre soeur et pour notre frère. Il n'y a rien de plus grave, n'y a rien de plus spécial que nous pouvions lui donner si ce n'est que notre adoration. Toutes les familles sont là. Mais Dieu est plus que présent. Le mariage, c'est la première institution divine, mais qui a été instituée par Dieu. Est-ce que les deux familles qui sont là peuvent reconnaître que c'est Dieu qui a fait en sorte que ce mariage ait lieu aujourd'hui? La seule façon de le faire, c'est de l'adorer. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons adorer notre Seigneur sans limite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu est puissant et il mérite notre adoration? Adore ton Jésus. Seigneur parce qu'il est le seul qui le mérite ce soir. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yeah. battra pour toi. Il est le Dieu qui combattra aussi pour toi. Il va te donner aussi ce que tu es en train de désirer. Il va te donner aussi ce que tu es en train de rechercher. Il combattra pour toi. Te disons merci ce Baba ton assez accent. Merci pour ta présence. Accent kwajila we pour accord. Merci pour ce moment merveilleux. Accent kwajila wakati nzuri. Nous voulons t'élever. Tunapenda kukunyanyua pour ce que tu es pour nous. Chaque jour nous avons des raisons de t'adorer. Kila siku tunakuwa na sheria ya kuabudu. Tu es grand, tu es infiniment grand. Uko munene na uko munene zaidi. Si toi tu n'étais pas notre Dieu, kama wewe utakukue Mungu wetu, et que tu n'étais pas de notre côté dans la vie, na kukue tena maina tu maisha yetu. Aujourd'hui, Léo, nous ne serons pas en mesure de te louer et de t'élever. Et quand nous voyons le moment de célébrer le mariage, na wakati tunaona tena wakati ya kushangilia ndoa, c'est pour nous une reconnaissance encore devant toi. Inakuwa tena kwetu aminifu kumbele zako. Je viens te bénir sincèrement ce soir. Nakubariki zaidi tena. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Uwezo na utukufu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Ok, le mariage c'est un jour de fête. Avant d'écouter la parole, j'aimerais qu'on loue le Seigneur avec un bon cantique. Ensemble, nous voulons louer le Seigneur. C'est toujours un moment agréable. Quand je vois les bien-aimés qui se marient, tu te rappelles comment tu t'étais marié. Tu projettes comment tes enfants se marieront. Comment tes petits-enfants se marieront. Bien-aimés, c'est une grâce. Il y a des familles qui sont bloquées où les gens ne peuvent pas célébrer le mariage à cause de plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, nous pouvons célébrer le mariage et nous bénissons le Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on se tienne debout pendant 5 minutes. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous voulons nous réjouir pour ce moment avant d'écouter la parole de Dieu. Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri a bien. Kembo, kembo, kembo, kunana lolaya. Kembo, aleluya. Kembo, kembo, kembo, kunana lolaya. Kembo, aleluya. Kembo, aleluya. Kembo. Kese, kunana zuya. Kese, aleluya. Oh, kese, kese, kese, kunana zuya. Kese, aleluya. Oh, kese, aleluya. Kese, aleluya. Oh, aleluya. Kese, aleluya. Oh, kese, aleluya. Kese. Lokola nani, lokola liya kendeki, nako kende langa nalo. Oh oh oh, nako kende, nako kende nalo. Ato kutana, masiya mbobi kisi. Oh lokola nani, lokola liya kendeki, nako kende langa nalo. Azali na bombo ile lolo bilibela. Azali na bombo ile lolo bilibela. Azali na bombo ile lolo bilibela. Osane moyo waniwe, osana moye. Osane moyo waniwe, osana moye. Osane moyo waniwe, osana moye yo. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, papa. papa. Yes, papa. Aïe. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu avant de bénir le mariage cet après-midi. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Tu n'as fondé ma Bible hier, tout Samuel toi consa. Du verset 10 au verset 17, et puis nous allons lire aussi Genèse chapitre 9 verset chapitre 18 verset 9 à 10. En Samuel chapitre 25. Samuel wa kwanza sura ya 25. Nous commençons à partir du verset 10. Tunaanza pa mstari wake wa 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Nabal yakajibu kuwatumishi wa Daudi. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Ni nani Daudi na ni nani mwana wa Tawi? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Kuna kwa watumishi wa mingi wanakona kimbia mbele za walimu zao. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nitachukua mkate wangu hata na nyama yangu na nitawapa watu wale sijue ni wa wapi. Les gens de David rebroussèrent chemin. Na watu wa Daudi wakaenda mchia. Et ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Na wakazunguka wakirudia wakimfikishia Daudi ujumbe wote ule. Alors David dit à ces gens. Kisha Daudi akasema na wa watu. Que chacun de vous saigne son épée. Kila mmoja apate kunoa kipanga chake. Et ils saignèrent chacun leur épée. Na kila mmoja aliweza kunoa kipanga. David aussi saignit son épée Daoud, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Daoud, il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, David a envoyé, voici, David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Et ils nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Verset 17. Sache maintenant Tambua sasa, et vois ce que tu as à faire. Na uone kile unakuwa nacho cha kufanya. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Kwa sababu kupotea kwa taifa yetu na mwalimu wetu inapata tajibu. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Na anakuwa mwenye kasirani hata tuwezi kumsogelea kumzungumzia. Alléluia. Amina. Genèse chapitre 18. Mwanzo sura yake ya 18. Verset 9. Mstari wake wa 9. Alors il lui dit. Kisha akamwambia. Où est Sarah, ta femme? Wapi Sarah mke wako? Il répondit. Akajibu. Elle est là dans la tente. Eko pale ndani ya ema. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Père, nous te disons merci ce soir. Et nous voulons recommander cette parole à l'occasion du mariage d'Élisée et de Rebecca. Nous voulons que ta grâce soit sur tous nos cœurs dans cette salle. Même ceux qui nous suivent à la télévision ou sur les réseaux, pour comprendre ta pensée sur le mariage. Nous te bénissons, Jéhovah. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler sur une pensée fondamentale. La femme doit sauver sa maison et l'homme doit sauver sa femme. Bibi anapasha kuokoa nyumba yake na bwana anapasha kuokoa mke wake. La femme qui sauve la maison, mke ambaye anaokoa nyumba yake, et l'homme qui sauve sa femme. Na mume ambaye anaokoa mke wake. Je pense que c'est une pensée qui est la base du mariage. Nafikira kusema inakuwa ni wazo ile inakuwa msingi ya ndoa. Une femme qui sauve sa maison. Mwanamke ambaye anaokoa nyumba yake. Mais l'homme qui sauve sa femme. Lakini mwanaume anaokoa mke wake. Alléluia. Amen. Ici, nous avons pris l'histoire d'une maison. Hapa tulibeba tu hadithi ya nyumba moja. D'un couple. Ata ya josi moja. D'une famille. Ya jamaa. D'une maison. Ya nyumba. D'un monsieur, d'un frère qui s'appelle Nabal. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de travailleurs. Il avait un grand bétail qui représentait une grande richesse. Et de temps en temps, ces travailleurs, ces tondeurs devaient aller paître le troupeau. Et devait être protégé. Na kila mara au wafanyakazi wake fadhali waende walisha tabifuko na wapate kwa kinga. Il menait une bonne vie. Aranza kuishi maisha mzuri. Il était connu dans la ville. Barukwa shaku mujua muji wote mzima. Alors un jour, lakini siku moja, pendant que David était en train de fuir Saül, wakati Daudi aranza kutafuta Saul, en attendant la royauté, kwa kuchunga turit, ils sont arrivés à un moment donné. Il a eu faim avec ses hommes. Alors il a envoyé ses hommes. Ils ont dit, dans, pas très loin de nous, dans le quartier, nous sommes dans les parages de notre frère Nabal. Allez le voir de ma part. S'il peut nous donner un peu de pain et un peu d'eau pour que je vienne donner à mes hommes qui sont dans le désert. Ça fait plusieurs moments que ces hommes n'ont rien mangé. Et ces hommes sont partis voir Nabal. Ils sont arrivés à Nabal. Ils ont dit, notre chef David nous a envoyé pour que tu puisses nous aider avec un peu de nourriture, avec un peu d'eau pour qu'il puisse donner à ses hommes. Alors, écoutez répondre à Nabal et c'est là que nous commençons notre message de ce soir. Nabal répond, mais qui est David? Nabal a jibu ni nani Daudi? Moi Nabal, mie Nabali, je vais prendre mon pain. Nitachukua mukate wangu. Ma nourriture à moi. Chakula yangu mie. Et donner à des gens qui sont je ne sais d'où. Na nikabulie watu wale mimi sijue ni wa wapi. Ça c'est le papa de la maison qui répond. Hii ni baba wa nyumba iko na jibu. Je ne peux pas prendre ma nourriture. Siwezi kuchukua chakula yangu. Et donner à des gens je ne sais ils viennent de quel village. Na kukabulia watu sijue wanatoka kukijiji gani. Donner à des gens qui sont je ne sais d'où. Kukabulia watu wale sijui fasi ambayo wanatoka. Quel père? Baba Kani. On lui a fait du bien. Bari mutendea mema. Mais ce jour-là, lakini ile siku, il ne sait pas remettre le bien. Asikujue kurudisha ta mema. Ce n'est pas ça mon problème. Ile na tatizo letu. Mais au moins nous devons savoir faire le bien. Lakini nafadhali tujue kutenda mema. Alors, les serviteurs de David sont rentrés. Asa wafanyakazi wa Daudi wakarudia. Et ils ont dit à leur maître. Wakamwambia mwalimu wao. Écoute ce que Nabal nous a dit. Sikia kile kitu Nabal aliweza kutuambia. Alors David avait 600 hommes. David aliweza kupokea watu 100. Il avait 600 hommes. Alikuwa na watu 600. Il dit OK, je prends 400. Anasema nabeba hata wao watu 400. Prenez vos épées. Muchukue bipanga byenu. Aujourd'hui là, leo hii, nous allons chez Nabal. Tutaenda kule kwa Nabal. Nous allons le tuer. Tutaenda kumuua. Tout ce qu'on a fait pour lui, yote ambayo tunaweza kufanya kwa ajili yake, il n'est pas reconnaissant. Asiweze kutambua. Nous allons nous venger. Tutaenda tulipe ile. Alléluia. Amina. Pendant ce temps, kwa ile wakati, les serviteurs de la maison, wafanyakazi wa nyumba, ils ont compris qu'il y a un danger. Waliweza kuelewa kusema hapa kuna kwa tatizo. Que la maison ya kusema nyumba sera détruite. Itaweza kupomonewa. Le mari sera tué. Bwana ataweza kuuawa. La maison sera détruite. Nyumba itapomonewa. Et la richesse sera perdue. Hata na utajiri wote utapotea. Oh, il y a des moments bien-aimés dans la vie. Wapendwa kuna kwa wakati maisha. La maison est au bord de la destruction. Nyumba iko munjia hata ya kupotea. La maison est au bord de la destruction. Nyumba iko munjia tu ya kupomoka. L'ennemi se lève. Adui anasimama. Les problèmes se lèvent. Mambo inalamuka. Les serviteurs regardent dans la maison. Asa wafanya kazi wanaangalia munyumba. Qui peut sauver la maison? Nani ambaye anaweza kuokoa nyumba? Qui peut sauver la famille? Nani anaweza kuokoa ta jamaa? Oh bien aimé, c'est ici ce que Dieu nous dit. Wapendwa ni hapa Mungu anatuambia. Proverbe nous a déjà dit ces choses. Ufumbo isha kutuambia hii mambo. Mais si je voulais prendre un cas pratique. Lakini hapa nipenda tu kubeba mambo moja ile tunaishi. Les serviteurs regardent dans la maison. Ils disent dans ces problèmes tels que ça se présente. Il n'y a que la femme capable de sauver la maison. Bien-aimés mes soeurs, bien-aimés les mamans, bien-aimés Rebecca, nous avons, nous en tant que femmes, une grande responsabilité. Sisi kama wake tunakuwa tena madaraka kubwa. Kwa sababu la Biblia iko une femme insensée détruit la maison de ses propres mains. Chopale bana sema mwanamke mpumbavu analabishaka nyumba yake kwa mikono yake. On a vu la femme de Nabal. Tuliona mume wa Nabal. On lui a dit il y a un problème. Imwambia kusema hapa kuna kwa tatizo. Il n'y a que toi. Inakuwa ni paka wewe. Qui peut sauver la maison? Ula naweza kuokoa nyumba. Bien-aimé. Wapendwa. Rebecca. Dada Rebecca, le jour où tu baisses les bras, siku ile utashusha mikono, ta maison sera détruite. Nyumba yako itapomonewa. Il n'est pas question de la prière ici. Aina mambo ya maombi. Il n'est pas question des démons ici. Ailazimisho mambo ya demoni hapa. Il est question de la vie de la maison. Hapa inakuwa ni mambo ya maisha ya nyumba. Mes soeurs, il est question de la vie de la maison. Dada inakuwa ni mambo tu ya uzima nyumba. Vous savez une chose. Mnajua kitu kimoja. Il n'existe pas akuna de couple parfait. Josi nzuri. Ça n'existe pas. Ila ikala keko. Il n'existe pas. Akukalake. Des couples sans problème. Josi lena na tatizo. Les meilleurs couples. Ata josi nzuri. Sont les couples qui résolvent leurs problèmes. Inakuwa ni josi ile kunapata masolution kwa matatizo yao. Ça passe par certains principes. Ça passe par certains principes. On a trouvé la femme. Ça signifie la première personne capable de calmer le feu dans la maison doit être la femme. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mes soeurs. Dadam, la première personne mutua kwanza, dans tous les couples mumajosiote, il y a ou il y aura ou il arrivera le feu. Utakuwa kuna kutakuwa paka moto. Ici, c'était l'attitude du mari. Apa irikotuni mone shoto ya bwana qui a mené un sérieux problème. Ula rileta tatizo makubwa. On vient dire à Abigail. Manakia kumam Abigail. Écoutez ce que les serviteurs ont dit. Si qui a qui le watumisho anuza kusema. Mettez-moi le verset 17. Mweke mustari wako 17. Sache, jua et vois ce que tu as fait. Na ona kile kwa kufanya. Messieurs, wadadam, savoir, kujua et voir na kuona ce qu'il faut faire. Kile na fazali kufanya. Toutes les fois que vous aurez des problèmes dans votre couple. Kila mara mutakuwa na mambo mjosilenu. Alléluia. Amen. Sache, tambua et vois ce que tu as fait. Na one ile kuna ya kufanya. Car la perte de notre maître kwa sababu kupotea kwa mwalimu wetu et de toute sa maison. Hata na nyumba yake yote. Bien-aimé, wapendo, perdre le mari, kupotesha mume, c'est perdre la maison. Ni kupotesha nyumba. Ça peut paraître rien. Inaweza kuonekana ya bule. Je reprends. Narudilia. Perdre le mari, kupoteza bwana, c'est perdre la maison. Ni kupoteza nyumba. Maintenant, c'est à la femme de savoir. Ça s'appelle ni kwa mke wa kuweza kujua et de voir ce qu'il faut faire. Na kuona nini ya kuweza kufanya. C'est là le problème. Ni pale ndio chanzo ya tatizo. La Bible dit qu'une femme sage. Biblia inasema mwanamke mwenye hekima. Une femme intelligente. Mwanamke mwenye akili. Une femme vertueuse. Mwanamke ule mwenye bei. Elle a des valeurs. Anakutana na ile bei. Notre prière. Maombi yetu. La prière que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Maombi ambayo tunafanya kama watoto wa Mungu. C'est de nous aider à développer des valeurs. Ni kujisaidia tu kutosha bintu vya bei. Quand les problèmes arriveront. Wakati mambo itaweza kufika. Ces valeurs nous aideront à résoudre les problèmes. Ile mabei itatusaidia kujibia kwa ile mambo. Il faut reprendre ces choses devant les enfants de Dieu. Aujourd'hui dans le monde, je suis choqué de voir que les couples des chrétiens, pour la plupart, c'est des couples à problème. Des vies des chrétiens n'envie même pas, ne donne pas envie d'être chrétien. Il peut beaucoup prier. Mais quand vous regardez sa vie, quand vous regardez comment il travaille, comment il se comporte, comment il se comporte au travail. Parfois vous vous demandez, mais est-ce vraiment il prie? Mara mingi hapa tuko najiuliza hii ni ukweli kweli. La prière c'est une des clés, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas, ça n'ouvre pas toutes les portes. C'est une des clés qui ouvre certaines portes. Maombi inakuwa ni katikati ya mafungulo ila ifungule vitu vyote lakini kuna fungula vitu vya fulani. C'est peut-être la plus grande clé, oui. Inakuwa hata ni fungulo kuu. Autre clé. Lakini kuna kwa mafungulo ingine. C'est d'autres valeurs. Ni mapenzi ingine. La politesse. Utaratibu. De toutes les façons, je comprends que quelqu'un ne peut pas être un vrai chrétien et être impoli. Quelqu'un qui est un vrai chrétien et qui est chiche, qui est avare. Vous voyez ici, à cause de la nourriture, une maison était en train d'être perdue. Nyumba ilikuwa unchia ya kupotea. Beaucoup de gens ont des problèmes. Watu wengi wanakuwa na mambo. À cause de la nourriture. Wajili tu ya chakula. À cause de la nourriture. Wajili tu ya chakula. Mais les travailleurs ont trouvé la bonne clé. Lakini wafanya kazi waweza kupata fungulo mzuri. La bonne clé dans un couple. Ulo mzuri hata mujosi. Pour sauver la maison. Je ya kuokoa ton nyumba. Ici je parle de sauver la maison. Nasemezea juu ya kuokoa ton nyumba. Le feu s'élève. Moto shakula mko. Le feu est en train de venir de l'extérieur. Na moto iko na kuya kutoka nje. Mais on dit maman, si tu ne fais rien, papa sera tué. Baba batamua, et la maison sera détruite. J'aimais l'attitude de cette femme. Elle n'est pas partie directement voir Nabal. Ma soeur, il y a des problèmes que tu peux résoudre avec sagesse. Et tu reviendras à Élisée après. Si à chaque fois des problèmes, au lieu de résoudre les problèmes, tu veux d'abord en découdre avec ton mari. En découdre avec Élisée. Pendant que vous vous en découdrez avec Élisée, l'ennemi aura le temps d'arriver. Le feu aura le temps d'arriver dans la maison. Beaucoup d'enfants de Dieu, si le problème vient de l'extérieur, ayons la sagesse d'aller résoudre d'abord le problème. Elle a juste pris la nourriture et elle est partie résoudre le problème. Elle a sauvé sa maison. Elle a sauvé son mari. Nous avons la responsabilité, nous les mamans, de sauver nos maisons. Bien-aimé, mais c'est très important. Le salut de la maison passe par la femme. Pourquoi? Elle savait où se trouvait la nourriture. Alijua facile par kwa chakula. Elle savait comment apprêter le bétail. Alijua gisi kani kutayarisha tawanyama. Elle savait où se trouvaient les mesures de pain. Alijua facile par kwa. Elle savait où se trouvaient même les raisins. Alijua elle savait où se trouvaient les figues. Alijua facile par kwa. Elle savait où se trouvaient les ânes. Alijua facile kwa ânes. Elle connaît les coins et les recoins de la maison. Anajua masehemu yote ya nyumba. Ça signifie finalement c'est elle qui était le pilier de la maison. Ni kusema ni yeye alikuwa msingi hata wa nyumba. Oh bien aimé, quand vous voyez une maison s'écrouler. Wapendwa, kama mnaona nyumba inaanguka. C'est que la femme a raté sa mission. Ni kusema mwanamke anapusa shaba yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans la responsabilité de nos sœurs. Madaraka ya wadada yetu. Mama, dites ces choses à nos filles. Mama museme bibitu kwa dada yetu. Église, nous disons ces choses à nos sœurs. Kanisa tusemezi bibitu kwa dada yetu. Vous avez la responsabilité. Munakuwa na ile madaraka. De sauver la maison. Ya kuokoa to nyumba. Quand vous voyez les gens réussir. Wakati munaona watu kuweza. Le gros du travail. Nata ya kubwa sana ya kazi. A été fait par la femme. Iliweza kufanyika na mke. Amina. Quand vous voyez dans une maison les enfants étudier. Na kama tu mnaona munyumba mafulani mtoto yuko anajifunza. Je ne dis pas que c'est la femme qui sont l'argent, non, je parle du travail. Mina sisema sasa ni mwanamke yuko anatosha fedha lakini nasema kazi. Nabal avait l'argent. Nabal alikuwa na fedha. Mais le salut, son salut c'était sa femme. Lakini okovu yake ilikuwa mke wake. C'est pourquoi je prie pour tous les couples. Chokamana naombea majosi yote. Que les femmes ne meurent pas. Wanamke wasipate kufariki. Sinon ça déséquilibre les maisons. Vile aweza kuweka vitu mfujo. Vous êtes d'accord avec moi? Unakuwa pamoja nasi? Dieu a donné à la femme plusieurs capacités. Parfois je me mets là, je regarde. Une cuisinière à quatre plaques. Ata na sehemu ya kuipikia iko na masehemu ine. Kwa maplaque yote peko biungu. Na pa ile maplaque yote panakopa kama biungu. Kisha peko mbabula, peko malaki. Ya meme brazerola uya. Wewe unapiga pa mbabula. Kisha peko mbabula, peko malaki. Ya meme le brazerola uya la rico. Ça fait 5 casseroles. Ça fait maintenant biungu bitano. Sans compter qu'il y a un bébé. Pashipo kuhesabia na mtoto kumpembeni. Peko na musanger couche na kumpangusha. Ulewe kumbadirisha tabikama. Elle fait plusieurs choses à la fois. Eko nafanya bitu bingi kumala moya. Alors que l'homme, japo tu mwanaume, et même les ordinateurs, on nous a dit c'est une seule instruction à la fois. L'ordinateur ata, traite une instruction à la fois. Ata computer na iko natumia tu instruction moya kila instruction. C'est pourquoi l'ordinateur n'a que 0 et 1, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Il faut pas lui donner beaucoup de choses. Bien aimé. Donc la femme, elle est plus que l'ordinateur. Mwanamke anapita hata kompyuta. Donc quand vous voyez dans une famille, wakati mnaona mujama moya, barikuwa ba 12, bote ba 12 banaisha masomo. Ils étaient au nombre de 12 et de 12 là. Ils ont terminé les études. Ils ont trouvé du travail, ils sont devenus de personnes. La maman là. Faut dire c'est ma maman ou les. Elle a fait du boulot. Arifanya kazi. Et là, c'est là que vous allez comprendre que ce travail ici a un mambo masomo. Ni hapa tunapasha kuelewa kusema tu hii mambo yana ta mambo ya masomo. C'est une sagesse divine. Inakuwa tu ni hekima ya kimungu. La femme, mwanamke qui sauve sa maison. Anaokoa nyumba yake. Abigail. Abigaili. Elle va trouver David. Anaenda kumuona Daudi. Elle voit David de loin. Anamuona Daudi kwa mbali. Elle se jette par terre. Chini. Une femme mwanamuke est capable de demander pardon pour son mari. Eko naweza cha kulomba buluma kwa chile mke wake, mume wake. Combien de mari wanaume wangapi demande pardon pour leur femme. Bale wanalomba kabuluma kwa chile babibi yabo. Nous les hommes. Sisi wanaume. Combien demande pardon pour leur femme. Mara ngapi tunalomba kabuluma kwa chile babibi yetu. Murumie kwa tu bibi yangu. Pardonne mme femme. Mais la femme peut même se mettre à genoux. Mwanamke anaweza kutwanga ta magoti. Papa mina kulomba murumie. Papa je demande que tu lui pardonnes seulement. Abigail a demandé pardon. Et Abigail a rilomba buluma. Elle a donné ce qu'il fallait. Ariweza kuleta ile ruweza. Elle a parlé au cœur de David. Arisema na moyo ya Daudi. Et David a dit à cause de toi. Na Daudi arisema kwa ajili tu yako. Tu m'as épargné de verser le sang. Uruweza kuniweka mbali ya kumwanga damu. Une femme qui sauve sa maison. Mwanamke ambaye anaokoa nyumba yake. C'est pourquoi je prie ce soir. Je commande naomba John. Que les mamans qui sont là. Wa mama wote wanakopa isemu. Parmi lesquelles Rebecca aussi. Na katikati yabo dada Rebecca naye. Que ce soit des mamans capables de sauver leur maison et leur mari. Wakuwa wa mama wale kwaezaji ya kuokoa nyumba yao. Même quand il y aura des problèmes. Ata kama kutakuwa matatizo. Même quand il y aura des problèmes. Ata kama kutakuwa mambo. Quand je lis, je ne vois pas Abigail se lever kwenda kukombana na Baal, na ba serviteur non. Hapa kama tunasoma tuone Abigail kulamuka na kwenda kufanya fujo nje. Elle a sauvé son mari. Aliweza kuokoa mume wake. Même quand elle est rentrée à la maison. Ata wakati aliweza kurudia kunyumba. Elle n'a même pas fait de problème à Nabal qu'elle a trouvé ivre d'ailleurs. Ashikufanya hata mambo kwa Nabal alimkuta ashakulewa. Mais quelle est la responsabilité de l'homme? Ni madaraka kani sasa ya mwanaume? C'est là que j'ai lu dans Genèse chapitre 18. Ni hapa tulisoma mu Mwanzo sura ya 18. Ce texte, je l'ai pris parce qu'avant-hier soir, je me suis retrouvé à Lumbashi la nuit quelque part. Et je devais parler à un couple et à deux couples. Et là, je m'adressais aux hommes. Et j'ai pris deux textes, celui-ci. Genèse chapitre 18. Alors, ils lui dirent, ce sont les anges. Et Dieu a qui dire Abraham, où est Ibrahim? Sarah ta femme? Wapi Sarah mke wako? Élisée, écoute-moi bien. Et frère, écoutez-moi bien. Dugu Elisha sikia vizuri na wanduku wote ndani ya chumba msikie vizuri. Il s'agit des anges. Hapa inakuwa ni mambo ya malaika. Il s'agit de Dieu. Hapa inakuwa ni mambo ya Mungu. Ce que on a dit ici à Abraham. Hii waruweza kumwambia Ibrahim hapa. C'est ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin. Ni hii Mungu alisema na Adam bustani. Ça signifie ceci. Sasa inasema hivi. Chaque fois qu'il y aura des problèmes dans un couple. Kila mara kutakuwa tatizo josi. Chaque fois que la femme aura des problèmes. Kila mara mwanamke atakuwa na mambo. Même si c'est par sa faute. Hata kama ni kupitia kosa yake. Dieu. Mungu ne posera jamais la question à la femme. Asta muuliza swali mwanamke kamwe. Mes frères, écoutez-moi bien. Ndugu msikie vizuri. Dieu est un Dieu de principe. Mungu anakuwa ni Mungu wa makanuni. Vous pouvez prier, monter sur les montagnes, sur toutes les montagnes comme vous voulez. Munaweza kuomba na kupanda kwa milima yote ile mnatamani. Si c'est que les montagnes likasi serait New York. Parce que nous sommes entourés de montagnes. Kasa tunazunguka na milima. Il y a 1000 personnes sur les montagnes. Na kila mposho kuna kuwa hesabu ya watu wengi kumilima. Mais Dieu est un Dieu de principe. Lakini Mungu anakuwa ni Mungu wa makanuni. Chaque fois qu'il y aura des problèmes. Kila mara kutakuwa mambo. Ne pense pas que Rebecca doit se justifier devant Dieu. Ushiweza kusema dada Rebecca na kwenda kulomba buluma mbele ya Mungu. Dieu dit Adam, où est Eve? Mungu anasema na Adam, wapi Eva? Mais c'est Eve qui a parlé la première avec le serpent. Lakini ni Eva aliweza kuzungumza wa kwanza na nyoka. C'est le fruit la première. Ni Eva aliweza kula tunda wa kwanza. Et au fait, Adam dit non non. La femme que tu m'as donnée, voilà comment il dit à Dieu. Adam anasema mke ambaye aliweza kunipa. Tutairudilia. Ici, il s'agit de Sarah. Hapa inamuelekea Sarah. Sarah n'a pas d'enfant. Sarah sina watoto. Abraham avait déjà un enfant. Ibrahim alikuwa siko na mtoto. Mais la promesse. Lakini mahaidi. Devait passer par Sarah. Ilipasha kupitia kwa Sarah. Donc le plus grand problème c'était Sarah. Sa mambo mkubwa zaidi ilikuwa ni Sarah. Dieu voit Abraham. Mungu anamuona Ibrahim. Il dit, où est Sarah ta femme? Wapi Sarah mke wako? Élisée, chaque fois qu'il y aura des problèmes. Duko Elisha wa kila mara kutakuwa tatizo. Dieu te demandera où est Rebecca. Mungu atakuuliza wapi dada Rebecca. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Ça signifie que quelque part l'homme. Inamaanisha hivi fasi mwa mtu. Tu as la responsabilité. Unakuwa na madaraka. D'éduquer ta femme. Ya kufundisha mke wako. Si la femme de vie. Kama ni mke hata wa maisha yote msima. Non non, si la femme de vie. Ah, kama mke anaweza kwenda pembeni. C'est toi qui n'as pas bien éduqué. Ni wewe hukuweza kumfundisha vizuri. Que Dieu nous pardonne nous les hommes. Mungu aturumie sisi wanaume. Alléluia. Amina. C'est comme ça que Sarah appelait Abraham Seigneur. Ni hivi Sarah anza kumuita Ibrahim bwana. Donc Sarah avait déjà compris. Sarah kwesha kuelewa. Et Abraham savait. Na Ibrahim alikuwa shakuyajua. La responsabilité de l'éducation de la femme. Ilikuwa ni madaraka tu ya majifunzo ya mke. N'est plus aux parents. Aina tena wasasi wetu. C'est à l'homme. Inakuwa ni kwa mwanamume. Commencez le premier jour. Anza sasa hii siku ya kwanza. Élisée commence maintenant ce na soir. Na inaanza sasa hii jioni. Vous rentrez à la maison. Mko narudia kunyumba. Pose les principes de l'éducation. Na uweke hata makanuni ya majifunzo. Rebecca. Na uanze kumfundisha dada Rebecca. Plus tard. Hata zaidi. Tu dis pas comme Adam. Usiseme kama Adam. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ni mke ambaye uliweza kunipa. Abraham a pris ses responsabilités. Ibrahim aliweza kuchukua madaraka yake. Prenons nos responsabilités. Tuchukueni madaraka yetu. Sachons éduquer nos femmes. Tujue kufundisha wanawake wetu. Or qui dit éducation dit science. Mtu ile anasema mafundisho anasema hata science. Science. Ça c'est il y a des principes. Ni kusema kuna kwa makanuni. On ne parle pas de la guerre dans la maison. Atusemeze juu ya vita munyumba. Abraham, Ibrahim, ayapikaka bibi na vile alikufaka. N'a jamais tapé sa femme jusqu'à ce qu'elle était décédée. Même quand sa femme pouvait lui demander umufukishe uyu mtoto. Ata pale mke wake alifika kumulomba sema andame uyu mtoto. Abraham s'est comporté d'une certaine façon. Ibrahim aruweza kujongoza mwali mwa fulani. Même quand sa femme ici a ri, elle a menti. Atapa mke wake aruweza kulanda. Abraham a protégé sa femme. Ibrahim aruweza kukinga mke wake. Oh bien-aimé. Wapendwa. Ne livre pas ta femme. Usiweke mke wako kwa watu wengine. Si Abraham apoli sa femme a devant Dieu. Eko na mulanda Mungu me Abraham na mufuchitia bibi yake. We non seulement Dieu ta belle famille, ta famille, tes amis, frères. Ne livre pas ta femme. Usiachilie mke wako kwa watu wengine. Même si ta maman vient te rendre visite à la maison. Ata kama mama yako anakuja kukupegua kunyumba. Autant que ton papa protège ta maman. Vile wako muweze kumkinga ta mama yako. Autant tu dois protéger ta femme. Na vile utaweza kulinda vizuri mke wako. Non mamangu. Ah msema mama. Non mama kwa kuzala isakuwa mama yako. Ta mama da Jean Fantes ya mama yako hiyo bibi yako. C'est notre responsabilité. Hii inakuwa ni madaraka yetu. Oh bien-aimé. Wapendwa, pour qu'une maison tienne, ili nyumba ipate kusimama vizuri. Les deux choses doivent aller ensemble. Ibibitu bibi unapaswa kutembea pamoja. La femme doit protéger la maison. Mwanamke anapaswa kukinga nyumba. Pendant que la femme protège la maison. Wakati mwanamke yuko anachunga nyumba. L'homme vient protéger la femme. Na mume naye anakia kuchunga mke. Si une femme est livrée à l'extérieur. Kama tu mwanamke anaweza kwenda nje. C'est que le mari a échoué. Ni kusema mume aruweza kushinda. Si une maison est livrée à l'extérieur, kama nyumba kwenda nje, c'est que la femme a échoué. Ni kusema mke anashinda. Que Dieu puisse nous aider. Mungu atusaidie. En tant que chrétien, kama wa Kristo, d'avoir des maisons stables. Ya kukua na manyumba yenye kushikamana. Des maisons stables. Manyumba yenye kushikamana. L'homme protège sa femme. Mume anakinga mke wake. La femme protège la maison. Na mke anakinga nyumba yake. Souvent on nous dit l'homme aimera sa femme, la femme sera soumise. À un moment donné, on ne sait même pas définir. Bon, l'amour finalement c'est quoi? Wakati c'est mafulana, ça l'amour. Upendo ni nini? L'amour mapendo iko na kinga. L'amour protège. Mapendo iko na kinga. Protéger ça signifie que je te couvre. Kukinga ni kusema mimi nakufunika. Pour que rien de mal ne t'atteigne. Ili mabaya yote sipate kufikia. Pour que le mal atteigne, quand je protège le mal doit m'atteindre moi. Ili mabaya ifike, mabaya yote itakia kunifikia mimi. Et c'est notre responsabilité. Na hii inakuwa ni madaraka yetu. Je prie ce soir. Naomba ijioni. Que le Seigneur fasse grâce. Bwana fanye neema. Au couple. Kujosi. De comprendre ces choses. Ya kuelewa hivi vitu. De comprendre ces choses. Ya kuelewa hivi vitu. Les ennemis viendront. Wadui watakuya. Les ennemis viendront pour détruire. Wadui watakuya juu kuharibu. Mais la femme sera là pour protéger sa maison. Lakini mke atakuwa pale juu kukinga nyumba yake. L'homme sera là pour protéger sa femme. Na mwanaume atakuwa pale juu kukinga mke wake. Jamais, non, ni badui, ni barafiki, ni baenemi. Faut pas dire que c'est les ennemis, ce sont les amis. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Chacun doit jouer sa partition. Kila mtu anapasha kucheza na ile namuelekea. Kila mtu anapasha kupika ngoma yake. Tout le monde, chacun doit jouer au tam-tam. C'est très important. Alors, nous fermons les yeux. J'aimerais que tu pries. Napendelea tu es une sœur. Unakuwa dada. Tu es un frère. Unakuwa nduku. Il y a ce que Dieu t'a dit ce soir. Kuko bintu bile Mungu alikwambia jioni. Prends la décision. Prends la décision, bien-aimé. Kuwa mpango mpendwa. Est-ce que tu protèges ta femme? Uko na kinga mke wako? Est-ce que tu veilles sur ta maison? Uko na kinga kwa nyumba yako? Mais c'est important de comprendre ces choses. Wapenda na kwa ya mafaji ya kuelewa hivi vitu. Non, à quoi servira notre foi? Sasa nini ile tatumia imani yetu? C'est ça la vraie foi. Hii ndio imani ya kweli. C'est ça la vraie religion. Hii ndio ushirika wa kweli. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kuomba Bwana. Pour que Dieu puisse nous faire grâce. Ili Mungu atufanyie neema. Alors élève ta voix pendant un court moment. Nyanyua sauti kwa dakika chache. Prie le Seigneur par rapport à cette parole. Omba Bwana kulinganisha na hii neno acho. Décision, je suis une sœur, je prends une décision. Beba je suis un frère, je prends une décision. Niko nduku nachukua mpango. Oh Seigneur, ma prière ce soir. Merci, Père. Fais grâce à toutes les sœurs qui sont dans la salle. Amen. De comprendre qu'elles ont la responsabilité de sauver leur maison et à tous les frères qui ont la responsabilité de sauver leur femme. Aide-nous Seigneur. nous serons une église forte. Nous serons une église avec un témoignage pour donner le témoignage au monde et dire voici ce que Dieu est capable de faire. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Christo. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Christo. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amina. La chorale nous chante un court cantique. Kwaya tuimbie kwa mwimbo mfupi. Et nous nous préparons pour passer maintenant à la bénédiction nuptiale. Na tunajitayarisha ja kupita sasa bénédiction. La chorale. Kwaya. Jésus. Jésus. Jésus. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours. Tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie tu as été bon. Oh, toute ma vie tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté. Merci en ce moment. Nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et que Christ soit glorifié à travers ce moment. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous voulons bénir le couple. Tunapenda kubariki Josi. Amen. Amina. Je voulais d'abord accueillir les familles. Tunapenda kupokea kwanza majama. Je demande à la famille du frère Élisée. Tunalomba kwa jamaa ya nduku Elisha. Kama iko hapa. Nous voulons l'accueillir dans la maison de Dieu. Naweza kusimama tumipokee mu nyumba la Bwana. La famille du frère Élisée. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Tunaweza kuwashangilia. Merci que Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Asante Mungu amibariki, mnaweza kuikala. Nous demandons à la famille de la sœur Rebecca si elle est là. Tunalomba kwa jamaa ya dada Rebecca kama iko hapa. Aussi nous voulons l'accueillir dans la maison de Dieu. Wanaweza kusimama tuwapokee mu nyumba ya Bwana. Est-ce qu'on peut aussi les acclamer très fort? Tunaweza kuwapikia mikono nguvu sana. Merci beaucoup. Accentu sana. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Comme vous accompagnez notre sœur. Kwa kuweza kumsindikiza dada yetu. Alléluia. Amina. Je demande aux parents du frère Élisée de se lever. Nalomba kwa wazazi wa nduku Elisha wasimame yulu. Bazazi. Est-ce que tu as encore pris un micro pour encourager? Est-ce que nous pouvons acclamer pour les parents, pour les encourager? Ok, tu n'as pas comme Lisa. Nous voulons juste vous demander. Nous t'avons dit par oui ou bien non. Vous allez nous répondre par oui ou par non. Parce que tu es encore Mukanisa ya Mungu. Ça va, nous sommes dans l'église de Dieu. Kumbele ya Mungu. Devant Dieu, devant l'église, devant le serviteur de Dieu. Vous savez, j'ai dit que Dieu travaille avec des principes. Parmi mes principes, le Mungu et parmi les principes que Dieu travaille avec, il y a la puissance de la parole. Mungu anasemaka. Dieu parle bintu binafanyika. Et les choses s'accomplissent. Anapatia bantu ile uwezo. Il a donné aussi aux hommes ce pouvoir. Pare mule muzala. Au moins vous avez mis. Munamupanga jina Élisée. Na leo tuko namuita paka Élisée. Et vous l'avez nommé Élisée. Munamupanga ile jina. Parce que c'était vous qui avez donné le nom là. C'est ça le principe. Injo kanuni. C'est pourquoi tunapendaka bantu banasema. Wakati banasema voilà pourquoi nous aimons que les gens parlent. Nous aussi, nous écoutons. Et même la terre aussi. La terre entend aussi. Alléluia. Amen. Et ça, je l'ai dit à l'intention de tout le monde. Naïtu naïsema kouatouot. Ok. Mina Oliza Bazazi Yandugo Élisée. Nous n'avons pas pu traduire Jumujibu Muzuri. Tu vas m'aider, viens, viens, tu vas m'aider. Comme ça, on va y aller. Oui, mets-toi là. Mets-toi juste là à côté. Je pose une question aux parents du frère Élisée. Tu n'as lisa sans li kwa wazazi wa nduku Elisha. Acceptez-vous ce soir? Munaichika imangaribi. Iyo. Misha Aisha Muchunge tu. Parce que ni chez phrase que je vais me poser question. Acceptez-vous ce soir devant Dieu, mbele ya Mungu, devant les serviteurs de Dieu, mbele ya watumishi wa Mungu, devant l'église de Dieu, mbele ya kanisa ya Mungu, et devant tous les anges, na mbele ya malaika wote, que votre fils, ya kusema mtoto wenu mwanaume, Élisée, Élisée, puisse prendre en mariage, apate kumubeba mundoa, la sœur Rebecca. Dada Rebecca. Mujibu sas. Tunechika. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Accent disant, Mounesa Kwikala. Merci Mounesa Kwikala. Mungu Amibarik. La famille et les parents de la sœur peuvent s'élever. Na wazazi wa dada Rebecca. Acceptez-vous ce soir munaichika imangaribi devant Dieu mbele ya Mungu devant les hommes de Dieu mbele ya watumishi wa Mungu devant l'église mbele ya kanisa devant les anges mbele ya malaika que votre fille kwa kusema binti wenu Rebecca dada Rebecca soit prise en mariage par le frère Élisée bapate kumubeba katika ndoa kwa nduku Elisha. Oui, nous acceptons. Il faut pas acclamer le Seigneur pour nous. Alléluia. Amen. Je pose maintenant la question à l'assemblée. Tunauliza sasa swali kwa makutano. S'il y a quelqu'un dans la salle, kama kuko mtu ndani ya chumba, qui voit un inconvénient que nous puissions bénir ce mariage maintenant. Ula naona kuko bubaya bumoya bule bunaweza kutuzuiza tusipate kubariki ndoa. Peut lever sa main là où il est. Anaweza kunyanyua mkono wake pafasi pale anakuwa. Les raisons. Na mnaleta masheria. Et on peut reporter le mariage. Na tunaweza kupeleka ndoa kwa siku ijayo. Je donne 10 secondes de réflexion. Tunaleta tu masegondo 10 ya kufikiri. Ok, s'il n'y a personne, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kama kuna mtu tunaweza kushangilia Bwana? Ok, Élisée et Rebecca peuvent se mettre debout. Nduko Elisha na dada Rebecca mnaweza kusimamia yolo. Aidez-la à se mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Tunaweza kuwapikia mikono cha kuwatia tena nguvu. Que Dieu te bénisse, Rebecca. C'est vraiment ton jour. Mungu akubariki dada Rebecca. Inakuwa ni siku yako. C'est ton jour. Ni siku yako. Alléluia. Amina. Rebecca. Dada Rebecca. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui? Unaichikia leo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Devant l'église. Mbele ya kanisa. De prendre en mariage Élisée. Ya kumuchukua katika ndoa nduku Élisée. De l'accepter comme ton époux. Ya kumuichikia kama mume wako. Jour pour jour. Siku kwa siku. Dans les meilleurs. Mubitu bizuri. Et dans les choses difficiles. Ata mumagumu. Oui, j'accepte. Parle à haute voix, on n'entend pas. Oui, j'accepte. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kupika mikono kwa chila Bwana. Élisée. Nduku Élisée. Acceptes-tu aujourd'hui? Unaichikia kwa siku ya leo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Devant les hommes de Dieu. Mungu. Devant l'église. Ata mbele ya kanisa. De prendre Rebecca comme épouse. Kwa kumchukua dada Rebecca kama mke wako. De la respecter. De la protéger. Ya kumukinga. Dans les meilleurs. Atamumema. Et dans les pires. Atamuma ole. Oui, j'accepte. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kushangilia Bwana. Ok, les parents ont accepté. Wazazi waliweza. L'église, il n'y a pas d'inconvénient. Na mkanisa amuna tatizo. Rebecca ne va pas d'inconvénient. Dada Rebecca na asione tatizo. Élisée lui-même ne va pas d'inconvénient. Nduku Elisha vile vile asho. Alors nous allons les bénir. Kwa sasa tutaweza kuwabariki. Et déclarer leur mariage. Na kutangaza tandoa yao. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Je vais d'abord prier pour les alliances. Nitaombea kwa pete. Pour que Dieu bénisse ces alliances. Ili Mungu abariki mapete. Seigneur, merci. Tu es un Dieu des signes. Et ces alliances sont un signe que aujourd'hui, Rebecca et Élisée ont décidé de s'unir par le lien de mariage chrétien. Donc, le mariage chrétien, c'est selon toi, selon Dieu. Je viens bénir ces signes que je présente à ton autel, que je présente devant toi, pour qu'ils soient bénis. Chaque fois qu'ils verront ces signes, qu'ils se rappellent de ce jour, qu'ils se rappellent de leur engagement. Toi aussi, du temps de Noé, tu as mis un signe. Et chaque fois que tu le regardes, tu te souviens de l'alliance. Eux aussi. Quand ils regarderont, qu'ils se souviennent de l'alliance. Je bénis ces signes. Je bénis ces bagues. Je bénis ces alliances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça pour elle? Tu es sûr? Rebecca, mon épouse, je te donne cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Élisée, mon amour, je te donne cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Père, merci. Baba, accenté. Parce que tu es un Dieu d'alliance. Kwa sababu unakuwa ni Mungu wa maagano. Aujourd'hui, c'est des paroles d'alliance pour le mariage d'Élisée et de Rebecca. Leo ni misemo ya agano kwa ajili ya ndoa ya dada Rebecca na nduku Elisha. C'est pourquoi nous venons les couronner. Cho kwa maana tunakuwa kuwavika taji. Par ces paroles. Kupitia hii misemo. En vertu du pouvoir. Kupitia tu uwezo que le ministère pastoral m'accorde. Ya huduma ya kipastori inanipewa. Faisant suite à toutes vos paroles. Kwa kufanya yote kulingana na misemo yenu. Je vous déclare ce soir. Na mitangazia ijioni. Mari et femme. Muke na mume. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Et de là maintenant. Ok, est-ce qu'on peut encore les acclamer très fort? Tunaweza tena kuwashangilia nguvu zaidi. Puisque ils sont maintenant mariés. Vile sasa wanakuwa wabibi na bwana. Nous allons sonner et autoriser. Tuta leta sasa rusa. Que Élisée fasse prendre tout ton temps et fais un bon bisou à ta femme. Abebe tu wakati yote na mpige ko tu bibi yake bisou mwa ya mzuri. OK. Tu peux avancer de quelque part. Unaweza kutsonga kuna mwa. Même si la robe est compliquée, il n'y a pas de problème. Ana kama kanju na kama mnene kupita. Angaraki ya kufanya. C'est comme ça. Maintenant tu vas te débrouiller pour gérer ta femme. Avance encore un peu. Sogea tena. Encore un peu. Chofote na kaluk. Encore un peu. Kengine tena kaluk. OK. Est-ce que tu peux enlever le voile de ta femme calmement? Unaweza kutosha pazia mke wako kwa utaratibu. Prends tout ton temps. Beba wakati yako yote. Commence à chanter quelque chose. Wa lo lo lo, wa lo lo lo lo lo, eh, wa lo lo lo, wa lo lo lo, wa lo lo lo lo lo. OK. Vérifie maintenant si c'est vraiment Rebecca, si ce n'est pas sa petite sœur, sa grande sœur ou sa tante. Regarde. Umwangalie vizuri kani yeye. Touche la tête, c'est ta tête de toute façon. Bamba tu na kichwa kyote kungambo yote. Vérifie bien. Vérifie. C'est elle. OK. Puisque c'est elle, vile ni yeye. Alors nous te donnons le temps. Tunakukabiria wakati. Manifeste toi-même. Ujioneshe sasa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Oh, lo, lo, lo. OK, venez les aider maintenant. Protocole aide et nous aide. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Et ah, walololo, walololololo, eh, walololo. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Ok, nous voulons remettre le certificat de mariage. Tunapenda kuleta kwa kitambulisho cha ndoa. Au couple Kujosi Élisée Kazadi. Élisée Kazadi et Rebecca Mbia Kazadi. Na Rebecca Mbia Kazadi. Je sous-signais révérend Mbaye Mukoj Désiré Pasteur. Certifie que le frère Kazadi Mukala Élisée, né à Kianza le 16 août, fils de papa Kayembe et de maman Evelyne Kasongo, et la sœur Mbia Kabiena Rebecca, née à Likasi le 11 mai, fille de papa Félicien Yabayo Di et de maman Marie-Claire, se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le lien sacré de mariage chrétien, conformément aux Écritures saintes. Parrainé par le couple papa Landry Tinéné et maman Léa Banza. La bénédiction nuptiale a eu lieu à l'église sous féconde le 11 avril 2025 dans notre paroisse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Révérend Désiré Mbaye Mukoj, pasteur. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous donnons ce certificat au couple. Et nous donnons le cadeau de mariage au couple. Pour tous les mariages que nous bénissons, nous donnons la Bible comme cadeau. Parce que nous croyons que la solution à tous les problèmes se trouve dans la Bible. Nous donnons un cadeau éternel que vous pouvez manger chaque jour sur la terre et au ciel. Mais avant cela, je voulais aussi que nous puissions honorer les parrains. Maman Léa et Papa Landry, est-ce qu'on peut acclamer Maman Léa et Papa Landry, tu n'as pas à Beaucoup de gens cherchent des sponsors au lieu de chercher les parrains. Nous voulons que Dieu donne des parrains. Quand il y a des problèmes, ils sont là. On n'a pas dit aussi que Élisée et Rebecca, tous les jours, il faut tous les problèmes chez les parrains. Mais au cas où, alors, c'est important. Nous donnons les cadeaux du couple pastoral au mari. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Il m'a vu, Il m'a tendu la main et m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh la la la la la la la. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh la la la la la la. Oh la la la la la. Oh la la la la. Dans le livre d'or pour gagner le temps et la chorale accompagne. Na kwa yena wasindikiza. Tu peux tenir ta femme. Élisée, tiens ta femme à la main. Kuelisha shika mke wako kwa mikono. Protocole, aidez-les pour. Voilà la la la. Est-ce que vous pouvez les acclamer, les envoyer? Ah ouais, ça peut être il y a qui assine. Voilà la la la la. Voilà la la la la. Voilà la la la. Cherche abri de sang fort, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Voilà la la la la. Voilà la la la la la. Voilà la la la la. La la la la la. Omere mumma, omere mumma, omere mumma. Omere mumma, omere mumma, omere mumma. Omere mumma, omere mumma, omere mumma. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Amen. Alors, nous voulons passer aux offrandes. Et si vous avez des cadeaux, vous, par la même occasion, nous donnons les cadeaux. Mettez juste le panier, la chorale nous accompagne. Ils peuvent se mettre debout. Mais un instant, alors pour gagner le temps, saluer Moubapépé tout de loin, Riambari, à ce moment-là, nous donnons nos offrandes. Les autres cadeaux, c'est à la salle de fête. Moubapépé à tout Riambari, c'est plus facile. De l'autre côté, rapidement. La croix nous accompagne et nous offrons. Il peut pousser les cris des gens pour Jésus. Bekalelu, bekalelu, mugalengawani. Bekalelu, bekalelu, mugalengawani. Bekalelu. Pekalelu mugalengawani, pekalelu, pekalelu mugalengawani we. Pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, pekalelu, à la famille. Et nous demandons à maman de venir donner les cadeaux rapidement. Et que Dieu bénisse la chorale. Poussez le cri des gens pour Jésus. Le cri de joie, le cri de joie. Qui que le calé, qui que le calé. Qui que le Kananga muyeswe, kananga muyeswe, tuwe la majunda. Bananga mu Yesu, twela majunda. Majunda, majunda, majunda, majunde, majunda, majunde. Bananga mu Yesu, bananga mu Yesu, twela majunda. Bananga mu Yesu, bananga mu Yesu, twela majunda. Bananga mu Yesu, bela majunda. Mulengele, Yesu mulengele. Mulengele. Yesu mulengela Mulengela wakwenda ntukwe mulengela Mulengela wakwenda nenda mulengela Mulengele Yesu mulengela Mulengela wakwenda ntukwe mulengela Yesu mulengela wakwenda ntukwe Yesu mwenda maju mulengela wakwenda ntukwe Yesu mwenda Yesu mulengela Mulengela, Yesu mulengela, kwenda ntukwe. Yesu mwe, Yesu mulengela, kwenda ntukwe. Mulenge, Yesu mwe, Yesu mulengela. Mulengele, Yesu mulengela. Mulengela, mulengele, Yesu mulengela. Ah ah, mulengela wa kwenda ntukwe, mulengela. Ah ah, mulengela wa kwenda. Oh Yesu mulengela Yesu mulengela Yesu mulengela Yesu mulengela Yesu mulengela Yesu mulengela Yesu mulengela ndumbe Yesu mwenda majuda Merci accenté Alléluia Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple? Oh, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et nous bénissons pour le couple d'Élisée et Rebecca. Nous bénissons Papa Landry, Maman Léa aussi. Et toutes les familles qui sont venues. Na jama lote liweza kufika hapa. Comme le cas l'église que dimanche c'est le dimanche des rameaux. Tunakumbusha juste kanisa kusema mjuma na kwa juma ya ramo. Qui nous introduit dans la semaine de Pâques. Ile kuna tuingisha mwiki ya Pasaka. Et nous nous préparons pour la semaine pascale. Na tuko najitayarisha kwa ajili ya wiki ya Pascal. Ceux qui ont les invitations vont se retrouver à la soirée. Wale wanakuwa na mabasho wanaweza kuchikuta kule kuchumba ya karamu. Et nous vous remercions d'être venus dans notre église. Na tunamipikia accent kwa kuweza kuja ndani ya kanisa yetu. Ce couple. Kusindikiza ijosi. Quand nous assistons à une cérémonie de mariage. Wakati tunakuja na tunaona vile karamu ndio inapatikana ndoa. De nous ipso facto des témoins. Mungu yuko natufanya sisi tunakuwa kama washuda. C'est-à-dire des conseillers aussi. Tunakuwa watu wa kuleta shauri. Prions pour eux. Tuwaombe. Donnons-leur des conseils. Na tuwape shauri. Avant de terminer. Kabla kumaliza. Levons nos mains tous vers le couple. Tunyanyue mikono zetu kupande wa Josie. Et prononce de bonnes paroles. Na useme kwa misemo ya mzuri. Sur le couple. Kwa ajili ya Josie. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Prononce de bonnes paroles. Sema misemo nzuri. Père, merci. Baba Accenté. Merci pour l'union de Élisée et de Rebecca. Accent kwa jila upatanisho anduku Élisée na dada Rebecca. Qu'il soit fécond. Wapate tena kusa. Qu'il prospère. Pale ndani ya Josila. Sois leur Dieu. Ukue Mungu wao. Sois leur protecteur. Ukue mkingo wao. Sois celui qui combat pour eux. Ukue ule kona wapigania. Sois celui qui les défend. Je le crois du fond de mon cœur. Nous irons plus loin. Wataenda mbali zaidi. Plus loin encore. Mbali zaidi tena. Je les garderai à deux. Qu'ils vieillissent ensemble. Na wapate kuzeka pamoja. Qu'ils aient des enfants. Wakuwe na watoto. Qui vont les écouter. Wale watawasikia. Nous arrêtons tous les plans de l'ennemi. Tunasimamisha matengenezo ya adui. Ce couple. Kwa ajili ya Josi hii. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Nous arrêtons toutes les mauvaises paroles. Tunasimamisha misemo mbaya. Ce couple. Yule ai Josi. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Père merci. Baba asante. Parce que tu es fidèle. Kwa sababu uko mwaminifu. Bénis-les. Bénis ceux qui les béniront. Bariki wale watawabariki. Nous te rendons grâce. Tunakurudisha shukurani. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Nous commandons ton peuple entre tes mains. Tunaacha taifa lako mikono yako. Nous rentrer dans la paix. Tunapenda kurudia katika salama. Nous bénissons la soirée d'aujourd'hui. Tunabariki tena jioni ya leo. Tu as voulu que l'homme ait de moments de fêter. Ulipenda mtu akuwe na masiku ya kufurahia. C'est légitime, Seigneur. Na ile nakana upeke. Il n'y a pas de problème à la fête. Kushikue tatizo kule kuchumba ya karamu. Kukue furaha. Sois dans la joie. Et glorifie ton nom. Tunabariki jina lako. Sois béni ce soir. Ubarikiwe jioni. Sois élevé. Unyanyuliwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer? Tunaweza kusema amina na kupika mikono nguvu sana. Alors nous voulons sortir. La tunapenda kutoka kwa ya ditarishe. Le couple sort. Josi na to. Suivi des parrains. Inafuata na wanaosimamia. Pasteur. Inafuata pastori. Je demande au protocole de nous aider, de ne pas laisser Micheline seule. Nalomba kuwalinda mani wasaidie wasimache Micheline na mwenyewe. Que ça se passe bien. Ili yote pate kupitikana vizuri. Nous nous tenons debout. Tunasimamia yulu. Pour accompagner ce couple. Est-ce qu'on peut se lever? Tunaweza simama yulu. Pendant que la chorale nous accompagne. Wakati kwaya iko na tusindikiza. Tous des cris de joie. Yose boye nonga pamba naza mwana nzambe Yoboko njimela nga poya naza mwana elaka Pesanga tan, pesanga chance Kala mingi te yoko mwana yango Bilaka ya nzambe koko kisama na bomo inanga Histoire koshi